Quand tu menaces, faut venir solo. Ce que tu dis, faut le faire. Tu m'as trahi, t'es un salaud. Je te souhaite longue vie en enfer. Des années qu'on est solo. Je crois en Dieu, ça va le faire. Emballe tes strass et paillettes. Je suis devenu dur en affaires. Et dans le fond de leur cœur, ils ont du vice. Je reste proche de mes ennemis. Attention si tu me vises. J'ai vu clair donc tout s'explique. Je reste proche de mes ennemis. Tu sais jamais qui peut tirer. Je fonce droit comme bélier. Je fonce droit, j'ai pas d'alliés. Wow, wow. Rendez-moi l'anonyme. Pas né d'hier, t'as parlé maintenant faut le faire. J'ai pas de temps à perdre dans un game où ton cœur on te l'arrache. Si tu réussis ça fout l'arrache. Je vais prier pour que Dieu me protège. Tenez-les, ils ont le seum, tenez-les. Loin d'ici, tenez-les, ils ont le seum, tenez-les. Tenez-les, ils ont le seum, tenez-les. Loin d'ici, tenez-les, ils ont le seum, tenez-les. À l'échec, moi j'suis pas vous. Sans bourrer, j'en service sans rien demander. Dans le grand bain, faut pas jouer. Pour nique, t'es pas doué. T'as essayé, t'as échoué. T'as déjà dit qu'il faut pas jouer. J'suis vivant, Dieu soit loué. Wow, wow. Rendez-moi l'anonyme. Pas né d'hier, t'as parlé maintenant faut le faire. J'ai pas de temps à perdre dans un game où ton cœur on te l'arrache. Si tu réussis ça fout l'arrache. Je vais prier pour que Dieu me protège. Tenez-les, ils ont le seum, tenez-les. Loin d'ici, tenez-les. Ils ont le seum, tenez-les. Tenez-les, ils ont le seum, tenez-les. Loin d'ici, tenez-les. Ils ont le seum, tenez-les. Je marche au creux. Ton cœur on te lâche. Si tu réussis ça fout l'âge. Je vais prier pour que Dieu me prenne.